tard au matin, j'ai craché sur mes idées noires, profitant du meilleur moment, trop bien lové dans mon plumard. J'éteins mon réveil avant de m'enrubaner d'espoir. Aujourd'hui j'irai pas au taf, ruiner ma vie comme un connard. Capricieux comme une bouffe qui aurait ses règles à Ikea, nostalgique comme un vieux débile paumé tout seul à Disneyland. Vicieux comme un beau gosse, bouquet de fleurs fuchsia dans les bras. Fanatique, je donnerai facile au ciel ma vie pour la glande. Qu'un quart d'heure plus tard, frénétique, je calcule en vain 10 000 excuses à mon retard. J'envisage un instant, 2-3 pas crédibles histoires que j'abandonne heureusement pour imiter le cri de Loire. Capricieux comme une bouffe qui aurait ses règles à Ikea, nostalgique comme un vieux débile paumé tout seul à Disneyland. Vicieux comme un beau gosse, bouquet de fleurs fuchsia dans les bras. Fanatique, je donnerai facile au ciel ma vie pour la glande. Bouquet de fleurs fuchsia dans mes bras, fanatique, je donnerai facile au ciel ma vie.